ودراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي رحمه الله تعالى سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Donc on continue, Inch'Allah, où on s'est arrêté dans la dernière assise, en l'occurrence lorsque l'auteur dit « وَلُبَابْ التَّوْحِيدْ أَنْ يَرَى الْأُمُورَ كُلَّهَ لِلَّهِ تَعَالَى ثُمَّ يَقْطَعُ الْإِلْتِفَاتِ عَنِ الْوَصَائِطِ وَأَنْ يَعْبُدَهُ سُبْحَانَهُ عِبَادَةً يُفْرِدُ بِهَا وَلَا يُعْبَدْ غَيْرُهُ وَلَا يُعْبَدْ غَيْرُهُ. Et dans le tahqiq, il dit « وَلَا يَعْبُدْ غَيْرَهُ أَنْ يَعْبُدَهُ سُبْحَانَهُ عِبَادَةً يُفْرِدُهُ بِهَا وَلَا يَعْبُدْ غَيْرَهُ وَيَخْرُجْ عَنْ هَذَا التَّوْحِيدِ اتِّبَاعُ الْهَوَى فَكُلُّ مَنْ اتَّبَعَ هَوَى فَقَدْ اتَّخَذَ هَوَاهُ مَعْبُودًا فَقَالَ تَعَالَى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. On va commencer à éclaircir ce passage-là, Inch'Allah, qu'on vient de lire, de l'œuvre de l'auteur, Al-Allama, Al-Sheikh, Al-Imam Al-Maqrizi, Rahmatullahi Alayh. Donc dans la traduction, il est dit, on est arrivé où l'auteur nous dit « Walubab al-Tawhid ». Hier, on avait expliqué, on avait essayé de clarifier cette partie-là. Et je vous cache pas que cette partie-là était un peu complexe et difficile. Un peu complexe, c'est un passage complexe et difficile, comme vous allez voir. Il y a des passages de l'œuvre et dans le livre qui peuvent parfois être un peu compliqués à première lecture. À première lecture. Donc parfois, c'est pour cela qu'on essaye de clarifier le mieux, avec bien sûr, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de s'appuyer sur l'explication des savants. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment des passages, comme on a dit, l'auteur, lui, yankul, il transmet beaucoup dans son écrit, c'est des transmissions de paroles de grands imams, mais des paroles d'imams qui datent de siècles. Donc, pour la compréhension, parfois, il y a des passages, vous avez vu, même si vous lisez la traduction, le texte en français, malgré qu'en français, ils ont essayé de faciliter la compréhension, et on voit certains passages, c'est l'explication du sens. Et eux-mêmes se sont basés, après lecture de certains passages de la traduction, on voit que eux-mêmes, les traducteurs, se sont basés sur l'explication. Sur l'explication. Comme par exemple, comme on l'a dit pour le terme « qishr » hier, lorsqu'on arrive au terme « qishr » concernant le « tawhid », que beaucoup de savants disent à cet endroit-là, beaucoup de savants disent fi anadhar, d'utiliser ce terme-là. Et donc on a expliqué cela dans la dernière assise. Donc parfois certains passages, on doit clarifier un peu le sens et on s'excuse parfois si on a difficulté à exprimer ou à expliquer le sens. Parce que déjà il faut le comprendre soi-même, ce qui n'est pas toujours facile. C'est pour cela qu'on demande à Allah Azzawajal de nous accorder la compréhension et surtout la sincérité à travers nos paroles et nos actions. Donc l'auteur ici, on a vu ce passage-là, certains savants dans leur explication de ce passage mettent en exergue le fait que l'auteur ici va sous-entendre différentes catégories de gens face au monothéisme. Face au monothéisme. Et justement, dans le commentaire qui est entre nos mains, justement, c'est pour cela que le cheikh met en exergue aussi cela, différentes catégories. Et Cela, il l'explique lorsqu'il parle de la prononciation de la parole « La ilaha illallah » qui est une prononciation apparente. Donc là, l'auteur va citer différentes catégories de gens par rapport à leur prononciation. Et que différentes catégories de gens peuvent prononcer cette parole « La ilaha illallah » mais selon ce qu'il y a dans leur cœur, leur conviction et dans leur fond intérieur, eh bien, cette personne appartient à une catégorie. De sorte qu'il dit qu'une personne peut dire « La ilaha illallah » et être un monothéisme pur, et une autre personne peut dire « La ilaha illallah lakinnahu munafiq » mais c'est un munafiq. Comment ? Lorsque la personne dit cette parole de manière apparente, avec sa langue, il la professe et la prononce, par contre, dans son cœur, il n'a pas la conviction de la véracité de cette parole. Mais tous deux, d'une manière apparente, celui qui y croit, à l'inverse, Al-Munafiq qui n'y croit pas, tous deux, de manière apparente, la prononcent. Donc là, on voit que l'auteur met en exergue cela, différentes catégories de gens. Comme chez les monothéistes ensuite, on a vu que les savants, lorsqu'ils expliquent ce passage, ils mettent en avant que chez les monothéistes aussi, il y a des degrés. Le degré des gens du commun, comme on l'a appris, les gens de la masse, qui prononcent la ilaha illallah et qui croient aux implications de cette parole, qui croient au sens de cette parole, qui réalisent les implications de cette parole, mais ils ne sont pas rentrés dans les détails. Que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans la connaissance des ambiguïtés, que ce soit dans la mémorisation des textes et autres. Ils ne sont pas rentrés, ne se sont pas approfondis dans les détails. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas monothéistes. Ce sont des monothéistes. Et c'est comme si que l'auteur ici, à travers l'explication des savants, l'auteur met en avant que ça, c'est le tawhid de la masse, des gens du commun. Sauf qu'il y a une catégorie de gens, il va la sous-entendre lorsqu'il dit « Lubab tawhid », une catégorie de gens qui, eux, se sont approfondis dans la connaissance du monothéisme. Se sont approfondis dans la connaissance et l'apprentissage de tous les détails, dans la connaissance des ambiguïtés qui tournent autour de ce domaine. Et donc, ils se sont approfondis, et Lubab al-Tawhid, il est dit dans le commentaire, ici, Lubab al-Tawhid, هذا القسم الثالث, قال الشيخ, توحيد أهل العلم, وأهل البصيرة, فهو توحيد مفصل, فتوحيد درجات. Et donc, l'auteur du commentaire, il dit que ça, c'est le Tawhid des gens de science, توحيد أهل العلم. Des gens de science, des gens qui ont la clairvoyance. Il dit c'est le tawhid détaillé. C'est le tawhid détaillé. Là, on parle de la connaissance. Celui qui s'approfondit dans la connaissance. Donc, il peut y avoir une personne qui est monothéiste, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, seul et unique, qui lui voue un culte pur, exclusif, qui connaît le sens de la ilaha illallah, et il réalise le sens de la ilaha illallah, sans pour être autant s'être approfondi dans les détails, dans les complexités, si vous voulez, certaines questions qui peuvent être complexes, et tout ce qu'il y a autour comme ambiguïté ou autre. Il ne s'est pas approfondi dans tout cela. Ça, c'est le tawhid de la masse. Fawa muwahid. C'est un monothéiste. Mais d'autres ont atteint un plus haut degré. Lubab tawhid. Se sont vraiment approfondis dans la méditation, dans l'observation des textes, dans la méditation du domaine, l'importance de celui-ci. Comme c'est le cas des gens de science, ou talabat al-ilm, et des grands étudiants qui mettent en application cela. Différemment, là, on ne parle pas de ad-da'wa. On parle là de la connaissance. On ne parle pas maintenant de la prédication. Pourquoi ? Parce que, en ce qui concerne la prédication, on a une autre faïda que vous pourrez retrouver dans le commentaire de la dissipation des ambiguïtés. Kashf al-shubuhat. Dans le commentaire de Kashf al-Shubuhat, un savant qui était lui-même un descendant de l'auteur du livre, Ala wa huwa Sheikh Salih al-Sheikh. Dans son commentaire, je vous réfère à son commentaire, dans son introduction du commentaire de Kashf al-Shubuhat. Il dit une très belle parole. Lui, il dit « Ad-da'wa ila tawhid », prêcher le tawhid, il va citer deux catégories. Il va citer deux catégories. Un appel général. Et deuxièmement, il dit un appel détaillé. Al-Mujmal ou Al-Mufassal. Al-Mujmal ou Al-Mufassal. Là, ne pas confondre les deux domaines. La connaissance et l'appel. L'appel, c'est autre chose. Et ce qui me rappelle cette faïda citée dans le commentaire de Kashf al-Shubuhat, c'est qu'elle a dit Tawhid Mufassal. Le Tawhid détaillé. Pour ceux qui l'ont détaillé, vraiment se sont approfondis dans les détails du domaine. Ça, c'est une chose, c'est lié à la connaissance. Maintenant, ce qui concerne l'appel, et là, ça va vous faire comprendre une chose très importante. Pour ceux qui n'ont pas déjà lu cette faïda, peut-être que beaucoup d'entre vous avaient déjà lu cette faïda. Très importante. Shir, l'auteur du commentaire de Les dissipations des ambiguïtés, lorsqu'il cite la différence entre les deux manières d'appeler, il dit, en grande majorité, beaucoup qui appellent au tawhid le font d'une manière générale. Et il dit, cette manière générale d'appeler au monothéisme, il parle dans la nation, chez les musulmans. Il dit, le prêcheur n'aura pas de problème. Il n'y aura pas de difficulté, de sorte c'est prêcher le tawhid de manière générale. Tout musulman l'accepte. Par exemple, de dire que le shirk, c'est le plus grand péché. De manière générale. De dire, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. De dire, wa'budu Allah wa la tushriku bi shay'an. Et donc, de prêcher le tawhid de manière mujmala, de manière générale, de dire que le shirk c'est le plus grand péché, le polythéisme, le fait de dire aux musulmans qu'il faut adorer un créateur unique, Tawhidullah Azzawajal, de les appeler à cela, c'est un appel général. Et ça, chez les différentes tendances, ou les courants de pensée, en général, ça ne crée pas de problème. Là, l'adversité advient lorsqu'on rentre dans les détails. Et là, c'est pour ça qu'il dit la deuxième catégorie, lorsque la da'wa maintenant elle est détaillée, qu'est-ce que shirk? Et citer les formes de polythéisme. Lebs ou lubs, tamaim, par exemple. On rentre dans les détails. De al-amwat, wa ibadat al-amwat, masalat al-tawassul, wa tikhad al-wasa'it. Toutes ces questions-là. Ma'na al-tawhid al-uluhiyya, bidikka, wa bittafasil. Là, ce qu'a fait l'auteur de Kashf al-Shubuhat, ce qu'a fait, ça c'est une darwa mufassala. Et c'est là qu'ensuite, certains ne peuvent ne pas être d'accord. Sur al-ijmal, la généralité, en général, différents courants de l'islam, chez les musulmans, prêcher en généralité, il n'y a pas de problème. En général. Mais lorsque on rentre maintenant dans la compréhension, dans les détails, là, ça peut poser problème. La faïda de connaître cela, c'est si que ça fait 10 ans ou 20 ans une personne, toute sa vie, il prêche un tawhid mujmal. Alhamdulillah, tout va bien, tout le monde accepte, c'est normal, c'est mujmal. Mais tu verras que lorsque tu rentres dans les détails, le sens, par exemple, d'une main de Fatma, que beaucoup mettent. Le sens de Tamaim, comme on l'a dit précédemment. Pendantif, avec les atiqad, parler des convictions, des intentions. Là, rentrer dans les détails, c'est autre chose. Ça, c'est pour la culture générale. Ça, je l'ai cité, pour la culture générale. On revient à notre sujet. Donc maintenant, l'Ubab al-Tawhid, il y a une catégorie de musulmans, ou plutôt de manière bien plus particulière, de monothéistes qui, eux, ont atteint un degré plus haut. Ceux qui s'approfondissent. Ceux qui sont en quête de compréhension, d'apprendre les détails. Bien sûr, pas pour concurrencer les autres, pas pour se rivaliser avec les autres. Mais en réalité, le but de ça, le fruit de l'apprentissage du tawhid, c'est pour être un adorateur de notre créateur comme il se doit. C'est ça le but du muwahhid. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et d'atteindre un degré d'adoration grand, élevé. Et d'atteindre, lorsqu'on dit degré d'adoration, c'est-à-dire ces formes d'adoration qui sont citées comme al-inaba, wa tawakkul, la pleine confiance en Allah, c'est d'avoir ça dans son cœur. C'est pour cela que on parle de tawhid. C'est pour que on arrive, et moi le premier, moi je suis comme vous, on fait de l'entraide, c'est du ta'awun qu'on fait. On essaie tous d'évoluer, et ça se trouve que parmi vous, des gens ont un tawakkul plus fort que d'autres qui sont dans la pièce que nous. Ça, c'est chacun son degré. Et nous, c'est ce qu'on veut, avoir un tawakkul, une pleine confiance en Allah. Arriver à un degré, regardez ce que dit l'auteur, lorsqu'il va citer l'ubab tawhid, cette catégorie-là de tawhid qui se sont approfondies dedans, il dit, il va voir toutes les choses provenant d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qui se passe dans cet univers, toutes les choses, il voit, tout cela provient d'Allah Jalla Jalalu. Il ne peut pas se plaindre. Il ne peut pas se mécontenter. Ce qui se passe dans cet univers, ça, attention, les gens vraiment qui sont ancrés dans ce domaine-là, dans cette science-là, ils ont une réflexion que même les gens de la masse ont du mal à comprendre. Parce que la réflexion n'est pas la même. Ceux qui connaissent le Créateur, subhanahu wa ta'ala, sont pas comme ceux qui ne le connaissent pas assez. Et plus la personne il est ancrée fil ilm, ou khassatan fil ilm al-tawhid, plus il connaît Allah Azza wa Jal. C'est même l'objectif de l'auteur dans Usul al-Thalatha, l'auteur des trois principes. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est quoi son but lorsqu'il dit yajibu ala kulli muslim ta'allum, d'apprendre des masa'il. Et les masa'il qu'il va nous enseigner, parmi ces masa'il-là, les trois questions de la tombe. Ma'rifatu Allah, la connaissance d'Allah Azza wa Jal, c'est ça qui incombe au musulman, connaître son créateur. La connaissance du créateur, celui qui connaît son créateur, par l'étude de Rububiyatullah, wal-Uluhiyya, par l'étude de ses noms et ses attributs les plus parfaits. Donc, il connaît celui qui gère et régit cet univers. Ça sous-entend quoi? Ça implique que lui sait comment Allah Azza wa Jal, ou certaines choses, il sait certaines choses, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il gère cet univers. Et ça, c'est très important. Donc, des choses se passent dans ce kaun, fi hadha al-alam, celui qui ne connaît pas Allah, qui ne médite pas le Coran, puisque Allah, dans le Coran, nous informe sur beaucoup de choses à son sujet, subhanahu wa ta'ala, comme ses noms. Il nous informe au sujet de lui, au sujet de ses noms sublimes, au sujet de ses attributs, au sujet de comment il gère et administre cet univers. Lorsqu'Allah dit, il donne la royauté à qui il veut, et il ôte la royauté à qui il veut. Ça, c'est une règle dans la gérance et l'administration de cet univers. Et il y a d'autres versets où Allah Azza wa Jal nous dit aussi cela. Quand Allah Azza wa Jal nous dit, « La yughayyiru Allahu ma biqawmin » حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Allah ne change pas ce qu'il y a dans un peuple jusqu'à ce qu'eux changent ce qu'il y a en eux-mêmes. Certains gens, ils ont dit ça, c'est une règle. Comme cela, Allah Azza wa Jal gère cet univers. Donc ça, c'est des versets qu'il faut vraiment méditer. Les savants méditent ces versets-là. À savoir que ça, ils disent, c'est des qawaid. Sunanillah. Ils appellent ça puisque sunnatullah fil khalq. Et ça, comme cela, Allah Azza wa Jal gère et administre cet univers. Plus on connaît notre créateur, et plus on s'approfondit dans cela, et bien là, on voit que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, cela nous mène à quoi? On continue maintenant, l'auteur dit, cela nous mène à se détourner des intermédiaires. Dans le sens qu'on va s'en remettre qu'à lui. Et se détourner des causes. Les causes sont causes. Mais man al-musabbib, qui est-ce qui a créé les causes? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme cela, lorsque le cœur est empli de tawhid, de compréhension d'unicité d'Allah Azza wa Jal, alors il voit, c'est ça ce que cite l'auteur, il voit que tout provient d'Allah et il se détourne de tous les intermédiaires. Ensuite, dans ce passage-là, certains savants ensuite expliquent le jugement. Par contre, le fait de s'appuyer sur les causes et de s'en remettre aux causes, selon l'intention, c'est une forme de polythéisme. Et souvent, c'est une forme de polythéisme asrar, mineur, par rapport à l'intention. Donc là, essayez de faire attention de ne pas s'en remettre à la cause. Et ceux qui ont atteint un haut degré de tawhid, comme cite l'auteur ici, il dit, eux, ils se tournent pas vers la cause. Ils se détournent de la cause. Leur cœur, lui, eux, est attaché à leur créateur, subhanahu wa ta'ala, et lié au créateur, jalla jalalu. Ensuite, il dit, wa an ya'budahu subhana ibadatan yufriduha biha. Et donc, les fruits de cela, c'est qu'il adorera son créateur d'une adoration qui sera vouée que pour lui. Seul, exclusif. Il ne donne pas ça à un autre. L'adoration qu'il voue, il ne la donnera pas à un autre. Et là, les paroles sont vraiment pertinentes. Vous allez voir, on continue. Wala ya'bud ghayrahu. Et de ce fait, il n'adorera pas un autre que lui. Un autre que son créateur. Qala. Wa yakhruj. عن هذا التوحيد اتباع الهوى اتباع الهوى et il dit sort de cette unicité le fait de suivre les passions le fait de suivre la passion c'est-à-dire cette forme d'unicité réclame de ne pas se soumettre à ses passions car en suivant ses passions on s'en fait une divinité. Le fait de suivre sa passion, on s'en fait une divinité. Et là, les savants, à ce moment-là, ou plutôt pas à ce moment-là, mais ce passage-là, ils expliquent, nous on va faire de manière sommaire, mais ils expliquent une faïda très importante. Ils disent, en fait, c'est ce que va dire l'auteur, lorsque une idole est adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les adorateurs des idoles, en réalité, adorent leur hawa. Ils adorent leur passion. C'est ce que va dire ici, d'une manière générale, l'auteur. Regardez. Qala wa yakhruju an hadha at-tawhid ittiba' al-hawa. Fa kullu man ittaba'a hawa faqad ittakhadha hawahu ma'buda. Regardez. Il dit donc sort de ce monothéisme, cette forme d'unicité réclame de ne pas se soumettre à ses passions car en suivant ses passions, فَقَدْ اتَّخَذَ هَوَاهُ مَعْبُودًا. Il prendra sa passion comme adoré, comme idole et divinité. Conformément à la parole d'Allah, أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَا. Car Allah dans le Coran nous dit, vois-tu celui qui prend pour Dieu ses passions, ou ses passions comme divinité, comme adoré. Ça veut dire que dans le verset, il est stipulé clairement qu'on peut prendre notre passion comme divinité en dehors d'Allah. Et l'auteur, justement, il fait allusion à cela. Faqala. Et regardez ce qu'il va dire. Regardez, en arabe, c'est vraiment... Le sens est fort. Wa idha ta'ammalt, arafta anna 'abida as-sanam lam ya'budhu. Wa innama 'abada hawa. وَهُوَ مَيْلٌ نَفْسِي لَدِينِ آبَائِي فَيَتَّبِعُ ذَلِكَ الْمَيْلِ. Regardez ce que dit l'auteur. Il dit, et si tu observes, tu comprendras qu'en réalité, l'adorateur de divinité ou d'une idole, en réalité, il ne l'a pas adoré. Je vous le traduis littéralement, mais les savants vont annoter. Je vous le traduis littéralement. Donc littéralement, à bien réfléchir. On se rend compte que l'adorateur d'idole voue l'adoration à ses passions au lieu de la vouer à son idole. C'est le sens littéral qui est dit. On pourrait le traduire d'une autre manière. Et si tu observes, tu comprendras que l'adorateur de l'idole ne l'a pas adoré, mais il n'a adoré sa passion. وهو ميل نفسي إلى دين أبائي. Comment il explique? Il dit car en réalité, sa personne a penché vers le culte de ses ancêtres. Comme c'était l'argumentation et le justificatif des polythéistes anciens, à l'époque des prophètes et de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, souvent, ils prétextaient avec le fait que leurs ancêtres étaient sur cela. Donc que c'était la religion de leurs ancêtres. Donc l'auteur ici, dans sa parole, il dit « Leur personne a penché, mail, nafsi il a dit ni abai. Leur personne a penché vers la religion de leurs ancêtres. Et donc de ce fait, « Yattabir dhalik al-mail. » Et donc il suit ce penchant. Il suit ce penchant qu'il a en lui. Or, ce penchant-là est lié à sa passion. Est lié à sa passion. En d'autres termes, Cheikh Mohamed Amen, dans son commentaire, il explique cela en disant que ici, ce qui est nié, ce n'est pas le fait que l'idolâtre adore l'idole. Réellement et véritablement, l'idolâtre adore l'idole. C'est un adorateur d'une idole. Mais ce qui est sous-entendu ici, ce qui est mis en exergue, c'est que l'auteur dit la cause, as-sabab. Quelle est la cause pour laquelle lui s'est détourné de l'adoration de son créateur vers l'adoration d'une divinité fausse? Quelle est la cause? Al-hawa. C'est sa passion. Sinon, on ne nie pas de manière catégorique qu'il n'adore pas l'idole. Ce sont des ubad, al-asnam. Sauf qu'ici, Mohamed Amen Jami dans son commentaire, il l'explique bien que ici, ce qui est sous-entendu, si vous voulez, c'est que as-sabab, ce qui est mis en avant, c'est que la cause, c'est le hawa. Et de ce fait, ils ont pris leur passion comme divinité et idole en dehors d'Allah Azza wa Jal. Comme il est dit dans le verset Fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Vois-tu ceux qui ont pris leur comme divinité, leur passion. وَمَيْلَ النَّفْسِ إِلَى الْمَأْلُوفَاتِ أَحَدَ الْمَعَانِ الَّتِي يُعَبَّرْ عَنْهَا بِالتِّبَاعِ الْهَوَى. Ensuite, il est dit dans la traduction de sa parole, donc on va mieux comprendre maintenant après cette explication ce qui suit. Donc, avoir un penchant pour les choses qui sont familières, c'est une façon de suivre ses passions. Pour les choses qui sont familières, c'est-à-dire « دِينَ أَبَائِهِمْ » la religion de leurs ancêtres. Cette forme d'unicité réclame également de ne pas haïr les hommes ni de se tourner vers eux. Comment peut-on ressentir de la haine ou fonder ses espoirs sur une créature si l'on sait que tout vient du Créateur? Seuls les véridiques atteignent ce degré. Seuls les véridiques atteignent ce degré. C'est ce que l'auteur dit ensuite. Il dit « Wa yakhruj an hadha at-tawhid » Donc, premièrement, il a dit, donc, est exclu, on a dit premièrement, de ce monothéisme-là, qu'on a cité précédemment, Ittiba al-Hawa. En fait, si vous voulez synthétiser et schématiser ce que dit l'auteur, après avoir parlé de certaines catégories apparentes de monothéisme, comme on l'a expliqué précédemment, pour bien schématiser et synthétiser, regardez, l'auteur maintenant nous dit ce qui est exclu de ce monothéisme. Ce qu'on peut exclure de ce monothéisme. Regardez, il dit وَيَخْرُجْ عَنْ هَذَا التَّوْحِيدِ. Premièrement, il dit اتِّبَعْ الْهَوَى. Suive sa passion. De sorte, qu'est-ce qu'on apprend? La faïda qu'il faut retenir. Le monothéiste ne doit pas suivre sa passion. Les polythéistes anciens, à l'époque du prophète, d'autres prophètes, comme on l'a dit précédemment, eux prétextaient de suivre la religion de leurs ancêtres. On a dit ça, c'était deux formes de suivi de la passion. Ensuite, l'auteur, après avoir expliqué ça, enfin, fait allusion à cela, ce qu'on vient d'expliquer, il dit une nouvelle fois, et ce qui est exclu de ce monothéisme, il va citer autre chose. Premièrement, on a dit, ce qui est exclu de ce monothéisme, suivre sa passion. Et deuxièmement, ce qui est exclu de ce monothéisme, ensuite, se mettre en colère contre les créature. Je vous le traduis littéralement. Se mettre en colère ou être mécontent, le mécontentement face aux créatures. Wa'il sifat ilayhim. Et donc se tourner vers eux. Et se tourner vers eux. C'est ça qui est traduit ici, cette partie-là qui est traduit ici. Cette forme d'unicité réclamait également de ne pas haïr les hommes, ni de se tourner vers eux. Ici, ce qui est voulu dire, le sens de cela, c'est quoi ? L'auteur ici ne nie pas la colère de manière absolue, dans tous les détails de la question, mais ce qu'il dit, si il se passe une chose dans cet univers et dans ce kaun, parmi les choses qu'Allah Jalla wa Ala a décrétées, tu ne peux pas en vouloir à autrui. Et tu ne peux pas en vouloir aux hommes. Si ce n'est qu'il, bien sûr, il y a des causes. Mais il y a des choses où les gens, certaines choses se passent, les gens eux-mêmes sont dépassés. Ça dépasse leurs limites. Ce n'est pas eux qui sont à la cause de cela, dans le sens, tout provient du Créateur subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui administre cet univers. Mais vous avez vu, cette partie-là, elle reste quand même très subtile. Vous avez vu, c'est des parties qui sont subtiles. Pourquoi ? Comme le dit Cheikh Abd al-Razzaq dans le commentaire, il dit, il y a des généralités qui sont dites. L'auteur cite des choses qu'il faut comprendre, ce sont des généralités. Mais il ne cite pas les nuances et les spécificités. Donc il faut comprendre certaines choses dans leur généralité. Donc dans la généralité, il y a des choses, par exemple, si telle personne, Allah Azza wa Jal lui a donné une intelligence remarquable. Pourquoi Allah Azza wa Jal a donné cela, a doté cet homme de cette intelligence remarquable et pas son voisin, pas son camarade? Pourquoi? On ne peut pas blâmer celui qui n'a pas atteint cette intelligence, n'a pas été doté de celle-ci, ou blâmer l'autre. Ou celui, par exemple, qui a été touché d'une richesse. Il est riche, il est touché de bienfaits, de richesses, et son camarade, moins. Ou l'autre a la santé, l'autre peut-être moins. Ce sont des choses, tout provient du décret d'Allah, Azza wa Jal. Allah a décrété ainsi. Donc d'une manière, dans une généralité, celui est exclu, il dit, de ce tawhid, celui qui comprend ce tawhid-là. Mais là, si je ne me trompe pas, selon ce qui va venir, là il parle du tawhid, de ceux qui ont atteint un niveau, l'ubab tawhid, ceux qui ont atteint un niveau de tawhid. Pourquoi? Parce qu'après il va citer ce maqam-là, comment il l'appelle et nomme cela. Alors, il dit, eux est exclu de ce tawhid, ensuite de blâmer les autres. Pour des choses, ils n'ont pas de pouvoir en cela. Et donc il dit, walil tifat ilayhim. Et donc de se tourner vers eux pour cela. Qala fa inna man yara al-kull min Allah kayfa yaskhat ala ghayrihi aw ya'mal siwah. Et là, il le, ce qu'on vient de clarifier, là, l'auteur le dit de manière plus précise. Il dit pourquoi ? Parce que celui qui voit que tout provient d'Allah, comment peut-il se mécontenter ou bien être en colère contre un autre, puisqu'il n'est pas à l'origine de cela. Là, l'auteur, on a compris ce qu'il veut dire. Il veut dire que ceux qui ont un cœur plein de tawhid, eux savent que tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il veut ici mettre en avant le fait que le cœur s'en remet à Allah azza wa jalla. C'est ça le sens. Malgré qu'il y a des généralités. Nous, on ne va pas rentrer dans les spécificités et le détail de ces questions, ça demande énormément de connaissances. Mais je vous réfère aux commentaires de certains savants, eux qui ont détaillé. Comme Cheikh Abd al-Razzaq, lui, là, ce passage-là, il le détaille. Il détaille bien ce passage-là. Moi, je vous ai résumé pour qu'on puisse avancer. Et aussi parce que le niveau aussi est limité par rapport aux grands savants. Parce que si on dit pour qu'on puisse avancer, c'est pas vrai non plus. Mais il faut qu'on avance. Wahadat Tawhid, maintenant il dit, cette unicité-là, regardez ce qu'il dit, ce qu'on a cité hier, قال وهذا التوحيد مقام الصديقين. Il dit, et ce tawhid, seuls les véridiques atteignent ce degré d'unicité. Vous avez vu, donc, tout ce qu'on a dit là, c'est, pour lui, l'auteur, il ne parle pas de l'unicité de l'awam, Ammat al-Nas, les gens du commun, les gens de la masse. Il parle de l'unicité de ceux qui ont atteint un niveau. Et il appelle cela, il nomme cela, et Cheikh Mohammed Ibn Jamie aussi reprend cette appellation-là, Maqam as-siddiqin. Ceux qui atteignent un niveau. Et ça, ça nous fait vraiment un rappel de l'importance de lire, de vraiment avoir un lien avec notre Créateur. C'est facile à dire. Mais ensuite, ça demande, vous avez vu, hein, ça demande vraiment du travail et de la pratique. Wala rib. أن التوحيد أو أن توحيد الربوبية لم ينكر المشركون لم ينكره المشركون. Et là, l'auteur, c'est comme si maintenant il passe à questions très importantes. Donc après qu'on là, on a cité les degrés et ce qu'on vient de citer et dans le commentaire ici, dans ce qui a précédé. Le Cheikh l'explique d'une manière très simple. قال فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه هذا كما سبق أنك لا تسخط على الخلق بما لم يعطيك الله ولا تمدحهم فيما أعطاك الله هذا هو التوحيد. Et là voilà, là en une phrase on peut résumer, subhanallah. Le Cheikh ici, le commentaire ici, qui est appelé إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد المفيد في شرح إفادة المستفيد. L'auteur, regardez, en une phrase, subhanallah, il a réussi à nous simplifier cette généralité de l'auteur. Cette généralité, ce qui est dit précédemment, tu ne peux pas te mécontenter et haïr, comme c'est dit dans la traduction. Cheikh ici, il nous explique, il nous dit, c'est dans le sens, tu ne peux pas être mécontent ou en colère contre une créature de ce qu'Allah ne t'a pas donné. Et tu ne peux pas faire l'éloge d'une créature pour une chose qu'Allah t'a donnée. Subhanallah. Voilà, tout simplement, c'est l'explication de l'auteur de Ifadat al-Mustafid fi Sharh al-Tajrid al-Tawhid. Vous l'avez compris cette phrase ? Voilà, c'est ça qu'il faille comprendre. Très simplement. Tu ne peux pas être en colère contre une créature pour une chose qu'Allah ne t'a pas donnée. Et tu ne peux pas faire l'éloge d'une créature pour une chose qu'Allah lui t'a donnée. Subhanallah. Et il dit, هذا هو التوحيد. Et ça, c'est le monothéisme. C'est le monothéisme. وهذا مقام الصديقين. Ça, c'est le degré des véridiques. Le Cheikh dit, توحيد الخاصة كما يقول الشيخ وتوحيد تفصيلي لأن العلماء يدركون ما لا يدرك ما لا يدركه العوام. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça, c'est le tawhid, monothéisme particulier, spécifique, le monothéisme détaillé. C'est le degré de ceux qui ont vraiment, qui sont entrés dans les détails du monothéisme. Et il dit le monothéisme des savants. Tawhid al-ulama. Yudrikun, car eux ont la connaissance de choses dont les gens de la masse et du commun n'ont pas atteint. Ils connaissent des choses dont les gens du commun et de la masse ne connaissent pas. Comme nous. Nahnu awam. On est des gens de la masse. La shak wa la raib. C'est pas pour faire de la fausse modestie. Non, on est des gens du commun, de la masse. Puisque l'asnabi ulama, on n'est pas ulama. Et on n'est pas des grands talabat al-ilm. Donc, nous, min amat al-nas. Pourquoi je fais le rappel de ça ? Il y a des frères. Bi'annahu, mashallah, ala sunna, zahiran. Parce que lui, il est dans la sunna, zahiran. Il a étudié quelques fatawa de ulama. Et à la connaissance de quelques fatawas de ulama sur divers sujets, même s'il a une bonne connaissance de la langue arabe, mais il n'a pas étudié la jurisprudence et le droit musulman, min bab tahara, ila akhiri bab fiqh al mu'amalat. Walam yadrus kitaban wahida. N'a pas étudié un seul livre sur le droit musulman du début du fiqh. Kitab al-Tahara avec tous les chapitres de fiqh al-Ibadat et tous les chapitres de fiqh al-Mu'amalat. Jusqu'à la fin. Je parle d'un livre. Je ne parle pas de l'avoir étudié et d'avoir maîtrisé une école. À la madhab. Wa kutub al-Aqaïd, par exemple, Lam Yadrus n'a pas étudié kutub al-Aqaïd du premier livre, d'un cursus, jusqu'au dernier, parce qu'il y a un cursus dans l'étude approfondie des livres de Aqaïd. C'est pour ça qu'il y a des livres. Il y a un cursus. Min awal kitab, faire tout le cursus, et les savants disent, une fois qu'on a fait tout le cursus, de tous les livres de l'Aqaïd, bien sûr, tous les livres du programme, hein. Sinon il n'est pas dit d'étudier tous les livres qui ont été écrits sur le domaine, mais les livres que les savants ont émis comme programme pour le Talab al-Ilm. Il y a différents livres. Du moins détaillés, vers un plus détaillé, jusqu'à ce qu'il étudie des livres vraiment détaillés sur l'Aqaïd. Jusqu'à ce que les savants ensuite disent, il étudie certains livres qui sont avec des asanides parfois, fait les atiqad. Donc lorsqu'il a fait tout le cursus, fidirasat et atiqad et ahl sunnat wal jama'a, ensuite là, ils disent, ça peut lui permettre ensuite de rentrer dans une autre catégorie de livres, plus volumineux, plus détaillés comme Kitab al-Fatawa et autres. C'est tout un cursus. Qui est-ce qui a fait tout ce cursus ? Fibab al-Aqaïd, Fibab al-Fiqh, un cursus de livres, Usul al-Fiqh, sur les fondamentaux de la jurisprudence et du droit musulman. Qui est-ce qui a étudié des livres, un cursus sur al-Fiqh, al-Qawa'id al-Fiqhiyya, sur les règles du Fiqh ? Le cursus sur l'apprentissage des hadiths al-Nabawi, la science de la tradition prophétique, de lire les ouvrages des grands traditionnistes musulmans, anciens et contemporains, avec tout le cursus qu'il y a fait Mustalah al-Hadith, ou à Ulum, ce qu'on appelle les sciences du Hadith. Sans compter avant tout ça, toutes les sciences du Coran. Les sciences du Coran. Les livres à étudier concernant les principes pour l'exégèse du Coran. Comment les savants ont expliqué, interprété le Coran. On fait l'exégèse du Coran. Il y a des règles prises, justement, de livres anciens. Comment les savants l'ont fait? Et ça, on l'étudie dans une matière qu'on appelle usul al-tafsir. C'est pas encore le tafsir. Ça, c'est une porte qui nous ouvre les portes. C'est un outil, c'est une science qui nous ouvre les portes vers l'apprentissage de l'interprétation du Coran. Toutes ces sciences-là, si on ne les a pas étudiées, si on n'est pas encore rentré, si on ne l'a pas encore senti, donc on n'est pas Talab al-Ilm. Idan, donc on est des gens de la masse. On est des gens du commun. Pourquoi on fait le rappel? Parce que certains frères, ils ont des connaissances de certaines fatawas, ils ont étudié certaines questions sur un peu là, un peu sur le tahara, sur la purification, des petites questions sur la prière. Il connaît des fatawas, il va te dire « Qal et Cheikh Foulan » te dit tout ça. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle... ce que les savants appellent al-ilmu ta'siri, une science prise à l'origine, progressivement, livre par livre, domaine par domaine, science par science, qui demande des années et qui demande cet apprentissage-là d'être pris auprès de gens érudits et compétents en la matière. L'ilm, c'est pas j'ai quelques marloumettes sur le... j'ai étudié quelques marloumettes sur Tahara. J'ai quelques fatawa, je connais des choses sur Bab Zakat. Bab Zakat, c'est du début à la fin. J'ai quelques marloumettes fi At-Talaq. J'ai appris des petites fatawa sur At-Talaq, sur la question par exemple de divorce, de nikah. Mais en réalité, le chapitre, il n'a pas été étudié du début à la fin, avec tous ses détails, ses subtilités, selon un madhab d'abord. Donc on est Ammat al-Nas, on est des gens de la masse. Même si l'apparence est sunnah, même si on a l'habit, mashallah, du talab al-ilm, nahnu awam. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن محمد رسول الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الفضيلة. نكتفي بهذا القدر. On va s'arrêter. On va s'arrêter là, inshallah. Et on reprendra في يوم غد, inshallah. On reprend في demain, inshallah, à la même heure. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.